que c'est là qu'on n'a plus qu'à tendre les bras et se serrer fort, comme si on s'était manqué. Chère frémit à chaque fois qu'elle s'y hasarde, un jour sans doute elle n'y survivra pas. Les enfants jouent à trimballer leurs canteurs, on les met en chou. Ça nous fait peur. Les enfants jouent dans de brillantes galaxies pendant qu'on se tord le cou dans le KGB. Oh chérie, si aujourd'hui on se fait mal, c'est qu'on a oublié qu'on s'est aimé très fort comme des adolescents qui découvrent l'ivresse. Oh chérie, on est trop jeune pour être mélancolique, trop vigoureux pour nos amours asthmatiques, beaucoup trop beau pour ce couple si laid. Les